Mais revenons à nos verbes gogo. Jusqu'à présent, nous avons j'ai qui se dit traer. T-R-A-E-R. Traer. Qui est aussi un verbe gogo. J'apporte se dit traigo. T-R-A-I-G-O. Traigo. Alors, je l'apporte se dit Lo traigo. D'accord. Et je vais ajouter un autre verbe gogo. C'est entendre, qui se dit oír. Hein? Oír. O, I accent aigu, R. Oír. Et j'entends se dit oigo. Hein? Oigo. O, I, G, O. Oigo.